Mais il y a des verbes pour lesquels le participe passé est différent du passé simple. Par exemple, voir se dit, vous vous souvenez? To see. To see. Je l'ai vu au passé simple. Vous vous souvenez pas, hein? Non. I saw. Ah oui, I saw. S-A-W. I saw it. Je l'ai vu, I saw. It. I saw it. Je ne l'ai pas vu. I didn't see it. I didn't see it. Mais pour exprimer le passé composé au moyen du participe passé, je l'ai vu, on dit I have seen it. Le participe passé est seen. Seen s'écrit S-E-E-N. Seen. Seen. Comment dit-on je ne l'ai pas vu au passé composé? I have not seen it. I have not seen it. Je l'ai vu au passé simple? I saw it. I saw it. Yes. Quand l'avez-vous vu au passé simple? When did you see it? Right. When did you see it? Où l'avez-vous vu au passé composé? Where have you seen it? Where have you seen it? Prendre. To take. To take au passé simple? Took. Took. Very good. Mm. Pour le passé composé, le participe passé est taken. Taken. Taken s'écrit T-A-K-E-N. Taken. Taken. Alors, comment dit-on « je l'ai pris » au passé simple? I took it. I took it. Je ne l'ai pas pris. I didn't take it. I didn't take it. Je l'ai pris au passé composé. I have taken it. Right. I have taken it. Je ne l'ai pas pris au passé composé. I have not taken it. Yes. I have not taken it. Manger. To eat. To eat. J'ai mangé au passé simple. I have... Non. Avec le passé simple, I eated? Non. Oui, si c'était un verbe régulier. Mais ce n'est pas un verbe régulier. On dit donc au passé simple, I ate. I ate. I ate. Ate s'écrit A-T-E. I ate. I ate. Je n'ai pas mangé. I didn't eat. I didn't eat. Qu'est-ce que vous avez mangé? What did you eat? Yes, what did you eat? Il a mangé. He ate. He ate, yes, he ate. Et pour le passé composé, le participe passé se dit eaten. Eaten s'écrit E-A-T, comme le verbe eat, mais avec en plus la terminaison E-N, eaten. Eaten. Alors, il a mangé au passé composé. He has eaten. He has eaten. Il n'a pas mangé au passé composé. He has not eaten. Yes, he has not eaten. J'espère que vous n'avez pas oublié le prochain mot. Comment dit-on oublier? To forget. To forget. Et au passé simple? Forgot. Forgot. Very good. Et je l'ai oublié? I forgot it. I forgot it. Et je ne l'ai pas oublié? I did forget... Non. I didn't forget it. Right. I didn't forget it. Pour dire « je l'ai oublié » au passé composé, il faut utiliser le participe passé du verbe « to forget ». Forgotten? Forgotten. Ça s'écrit F-O-R-G-O-T-T-E-N. Forgotten. Alors, comment dit-on « j'ai oublié » au passé composé? I have forgotten. I have forgotten. Yes. Nous n'avons pas oublié au passé composé. We have not forgotten. Yes, we have not forgotten. Et avec l'autre passé, nous n'avons pas oublié. We didn't forget. That's right. We didn't forget. Aller. To go. To go. Je suis allé au passé simple. I went. I went. Et je ne suis pas allé. I didn't go. I didn't go. Où êtes-vous allé? Where did you go? Right, where did you go? Pour le passé composé, le participe passé du verbe to go est gone. G-O-N-E. En français, pour exprimer le passé composé, il y a des verbes qui s'emploient avec avoir et d'autres avec le verbe être. En anglais, c'est différent. Tous les verbes sont conjugués avec avoir. C'est plus simple. En anglais, on ne dit donc pas littéralement « je suis allé » mais « j'ai allé ». C'est toujours l'auxiliaire avoir qui est employé pour exprimer le passé composé. Alors, comment dit-on « je suis allé » au passé composé? I have gun. Ah, attention, gun, c'est un revolver, un fusil, un canon. Alors, c'est pas tout à fait le mot. C'est gone. Ah, gone. I have gone. I have gone. Savoir. To know. To know. J'ai su, je savais au passé simple. I knew. Very good. I knew. Le participe passé de ce verbe pour le passé composé se dit known. Known s'écrit K-N-O-W-N. Comme to know, mais avec un N à la fin. Known. Alors, dites-moi, je l'ai su au passé composé. I have known it. Yes, I have known it. Yes. To know, ça veut dire aussi connaître, n'est-ce pas? En anglais, on emploie le même verbe pour savoir et connaître.